Allez, la suite de vos aventures sur France Culture. Tout à l'heure, Hervé Gadette, dans Le Grain à Moudre, demandera à ses invités lequel de la télé-réalité ou des séries raconte mieux le réel. Ce sera après le journal de 18h. Dans quelques minutes, le quatrième et dernier épisode de la série documentaire de la semaine, Le salariat n'est pas mort, il bouge encore, par Rémi Douat et Martine Abad. Demain, pour ce qui nous concerne, nous affronterons le plus insoluble des paradoxes. Vu l'immensité de l'univers et le nombre d'étoiles, comment se fait-il que nous n'ayons toujours pas rencontré de vie extraterrestre? C'est le paradoxe de Fermi, demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.